السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié les annulatives du jeûne, mubtilatu as-siyam. Il reste quelques questions à détailler. Mais aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous allons étudier fi shurut al-fitr bil mufattirat wa ma la yufattiru wa ma yajuzu lis-sa'im. Le grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dans son livre sur les assises du mois du jeûne de Ramadan, nous dit dans l'assise, dans la 15e assise, lorsqu'une personne commet un annulatif du jeûne, il y a des conditions pour dire d'elle qu'elle a annulé son jeûne. Il y a des conditions pour dire d'elle qu'elle a annulé son jeûne. Et là est le sujet de notre étude. Il dit, rahimahullah ta'ala, Alhamdulillah al-Hakim al-Khaliq, al-Azim al-Halim al-Sadiq, al-Rahim al-Karim al-Raziq, rafa'a sab'i tara'iq, bidun amadin wala ala'iq, rafa'a sab'a tara'iq, bidun amadin wala ala'iq, wa thabbata al-arda bil-jibali al-shawahiq, wa ta'arrafa ila khalqihi bil-barahin wal-haqa'iq, وتكفل بأرزاق جميع الخلائق خلق الإنسان من ماء دافق وألزمه بالشرائع لوصل العلائق وسامحه عن الخطأ والنسيان فيما لا يوافق أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لا منافق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عمت دعوته المنازل والشاهق صلى الله عليه وعلى صحبه أبي بكر القائم يوم الردة بالحزم اللائق وعلى عمر مدوخ الكفار وفاتح المغالق وعلى عثمان الذي ما استحل حرمته إلا مارق وعلى علي الذي كان للشجاعة يسلك المضايق وعلى آله وأصحابه الذي كل منهم على سواهم فائق وسلم تسليما. Le grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, après avoir fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, après l'avoir loué et prononcé l'attestation de foi et vanté les mérites des quatre califes de l'islam, nous dit « Ikhwani, mes frères, inna al-mufattirat al-sabiqa ma'ad al-hayda wa al-nifas. » Mes frères, certes les annulatifs que nous avons mentionnés au préalable, exception faite des menstrues et des lochis, « wa hiya al-jima' wa al-inzalu bil-mubasharati wa al-akl wa shurb wa ma » بمعناهما والحجامة والقيء لا يفطر صائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا فهذه ثلاثة شروط. ابن عثيمين رحمه الله تعالى nous dit que ces annulatifs que nous avons étudiés en dehors des menstrues et des lochis, à savoir les rapports sexuels, le fait d'éjaculer en s'amusant avec la femme, le fait de manger, de boire, et ce qui a le même sens que cela. On avait cité par exemple lors du cours passé les piqûres nutritives, al-hijama, la saignée, al-qay, le fait de se faire vomir. Ibn Athim nous dit que tout cela n'annule pas le jeûne de la personne, sauf si trois conditions sont réunies. La première, qu'il soit savant de la chose, qu'il ait connaissance de l'annulatif, qu'il sache que telle chose annule le jeûne. La deuxième, al-dhikr, c'est qu'il s'en souvienne au moment où il commet l'annulatif, il a présent à l'esprit qu'il est en train de faire un annulatif. La troisième, al-amd, qu'il fasse cela volontairement. Qu'il fasse cela volontairement. En pleine possession de ses moyens, il a choisi de faire cet annulatif-là. Donc voici trois conditions, je les répète. Ayakuna aliman, dhakiran, muhtaran. Qu'il ait connaissance de l'annulatif, qu'il s'en souvienne au moment où il le connaît, au moment où il le commet, pardon, et qu'il le fasse volontairement. Voici trois conditions. Ashartul awwal, la première condition, yakuna aliman. فإن كان جاهلا لم يفطر. La première condition, c'est qu'il ait connaissance de cela. S'il est ignorant de cet annulatif, il n'annulera pas son jeûne. لقوله تعالى في سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله قد فعلت كما عند مسلم. وقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. La preuve que l'ignorant de l'annulatif du jeûne, s'il le commet, n'annulera pas son jeûne, est la parole d'Allah Azza wa Jal à la fin de Sourate Al-Baqarah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. Ô notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions ou nous nous trompons. Seigneur, ne nous châtie pas si nous oublions ou si nous commettons une erreur. Dans le hadith rapporté par l'imam muslim, dans le hadith Qudsi, Allah dit « Qad fa'alt, je l'ai fait ». Allah a exaucé cette invocation des croyants. Dans Sourate Al-Ahzab, on nous dit « Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. » Mais, c'est-à-dire vous serez blâmé pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. وَسَوَاءٌ كَانَ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ الشَّرْعِ مِثْلُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ هَذَا شَيْءٍ غَيْرُ مُفَطِّرٍ فَيَفْعَلَهُ أَوْ جَاهِلًا بِالْحَالِ أَيْ بِالْوَقْتِ مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب ثم يفطر في ذلك كله لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بالذي صنعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود وسادك إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل فقد أكل عدي بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم. Donc la première condition est, ou bien le premier empêchement de voir son jeûne annulé est l'ignorance. Celui qui ignore que telle chose annule son jeûne. Et cette ignorance englobe plusieurs choses. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit que ce soit l'ignorance du jugement religieux, à l'image de la personne qui pense que telle chose n'annule pas le jeûne. Alors elle commet cette chose-là par ignorance. Ou encore, à l'image de la personne qui ignore le temps, qui ignore l'heure. Qui ignore l'heure. Est-ce que le fajr est entré? Est-ce que le maghrib s'est couché? Ou plutôt, est-ce que le soleil s'est couché? Par exemple, il pense que l'aube n'est pas encore apparue. Alors il mange. Alors, or, en réalité, l'aube est déjà là. Ce dernier aura mangé alors que l'heure du fajr est déjà entrée. Mais comme il est ignorant, ça n'annule pas son jeûne. Un autre exemple, il pense que le soleil s'est couché, alors il mange. Et en réalité, le soleil ne s'est pas encore couché. Dans tous ces cas-là, la personne n'aura pas annulé son jeûne. Dans le recueil de Bukhari Muslim, Adi ibn Hatim radiallahu anhu dit, lorsqu'Allah révéla le verset, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir, le fil blanc du fil noir, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Adi ibn Hatim radiallahu anhu nous dit, lorsque ce verset a été révélé, je me suis mis deux fils. J'ai pris deux fils. Je les ai attachés. Un noir et un blanc. Et je les mettais sous mon oreiller. Et je les regardais, c'est-à-dire jusqu'à pouvoir distinguer le fil blanc du fil noir. Une fois que j'arrive à distinguer cela, j'arrêtais de manger et de boire. Arrivé au matin, je suis parti trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de ce que j'avais fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a alors dit, alors ton oreiller est vraiment très large. Si le fil blanc et le fil noir tiennent sous ton oreiller, il ne s'agit que de la blancheur de l'aube et de la noirceur de la nuit. Donc le prophète alayhi salat wa salam lui a dit cela car il ne s'agit pas ici d'un fil, mais plutôt de ce qui distingue la sortie de la nuit de l'entrée de l'aube. Lorsqu'on observe à l'horizon, il s'agit de cela. Le prophète lui a dit, comment est-ce que l'étendue du ciel pourra tenir sous ton oreiller, en d'autres termes. Ici, lorsque Adi a compris cela, sans aucun doute, il a continué à manger alors que l'aube était déjà arrivée. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, du fait que cela fut par erreur, par ignorance du temps, ne lui a pas ordonné de rattraper ce jour de jeûne. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant du jugement. Donc tout cela prouve que la première condition est d'avoir connaissance de l'annulatif du jeûne et sous toutes ses formes, que ce soit l'heure de rompre, que ce soit que telle chose annule, que ce soit l'heure l'abstinence, toute autre ignorance venant corroborant ce sens-là. Dans le recueil d'Imam Bukhari, il y a également le hadith de Asma bintu Abi Bakr radiyallahu anhuma. قالت افطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته. توفر أو توفر الدواعي على نقله لأهميته. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته حقيقة الصيام، إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب. Il y a une histoire qui s'est passée au temps du prophète alayhi salat wa salam, qui nous est relatée par Asma, la fille d'Abu Bakr radiallahu anhuma, dans le Bukhari le hadith dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons rompu le jeûne par temps de brouillard. Puis, nous avons vu le soleil. C'est-à-dire, ils ont pensé que le soleil s'était couché. Mais en réalité, c'est un empêchement ou bien un obstacle qui les a empêchés de voir le soleil, de la brume ou des nuages ou autre. Et il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de rattraper ce jour. Pourquoi ? Car ils étaient ignorants du temps. Et s'il leur avait ordonné de rattraper ce jour-là, cela aurait été rapporté. Car c'est une chose qui est réellement nécessaire, dont la connaissance est réellement nécessaire, donc ça nous appelle à la mention et à la transmission, de par l'importance de cette information. Si elle avait eu lieu. Plus encore, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, un grand savant de l'islam qui s'appelle Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam, nous dit dans son épître La réalité du jeûne, il a été rapporté de Hisham, le fils de Urwa, un des rapporteurs du hadith selon son père Urwa, qu'on ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour de jeûne. Donc si la personne a connaissance du temps, que le jour est encore là, que le soleil ne s'est pas encore couché, elle doit poursuivre son jeûne jusqu'à ce qu'il se couche. مثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فتبين له بعد ذلك أنه قد طالع فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت. Un point très important, et la plupart des interrogations du mois de Ramadan, à part le cas de la femme enceinte et la femme qui allaite, portent sur cela. Soyez attentifs. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit, entre dans tout ce que nous avons mentionné ici, cet exemple-là. C'est-à-dire qu'il n'annule pas le jeûne parce que la personne est ignorante. Le cas de celui qui a continué de manger après l'apparition de l'aube. Donc il entre dans le fajr et il continue de manger, pensant que le fajr n'est pas encore arrivé. Puis lui apparaît qu'en réalité il mangeait ou il buvait après que l'aube ne soit arrivée. Son jeûne est authentique, son jeûne est valable. Son jeûne est valable et il n'a pas à le rattraper. Pourquoi ? Car il était ignorant du temps. وَقَدْ أَبَحَ اللَّهُ لَهُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْجِمَاعَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء. Donc Celui-ci était ignorant du temps. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a permis de manger, de boire et les relations avec épouse ou entre époux jusqu'à ce que se distingue l'aube. Et ce qui est permis, on ne peut ordonner à l'acteur, à la personne, de le rattraper. Vu qu'Allah Azzawajal a permis ces choses-là, afin il ne va pas ordonner le rattrapage s'il y a cette erreur-là. ولكن متى تبين له وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغب أو أن الفجر قد طلع أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذري حينئذ. Et ici une remarque très importante. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous dit, après nous avoir expliqué que ça n'annulait pas le jeûne parce que c'est par erreur, il nous dit, par contre, à partir du moment où il distingue le fajr, ou plutôt à partir du moment où la personne mange, boit et s'aperçoit que le soleil en réalité ne s'est pas couché, ou que l'aube en réalité est arrivée, se doit d'interrompre son action. Et s'il y a quelque chose dans la bouche, de la rejeter. De rejeter cela. Donc, dans un premier temps, il est excusé par l'ignorance. Mais une fois qu'il a connaissance de l'entrée du Fajr, ou que nous ne sommes pas encore au Maghrib, au coucher du soleil, son excuse a disparu à ce moment-là. Il se doit donc de cesser son action qui annule le jeûne. Et s'il a une chose dans la bouche, de l'eau ou de la nourriture, il doit rejeter cela. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'excuses à ce moment-là. Après avoir mentionné la première condition, al-ilm, passons maintenant à la seconde condition, al-shartu thani an yakuna dhakiran. فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لما سبق في آية البقرة ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه واللفظ لمسلم. La seconde condition est le fait de se rappeler de l'état de jeûne au moment où on commet l'annulatif. Si la personne a oublié son état de jeûne, alors son jeûne est valable et authentique. Elle n'a donc pas à le rattraper. Elle n'a donc pas à le rattraper. De par ce que nous avons mentionné dans Sourate Al-Baqarah, « Rabbana la tu'akhidna inna si'ina wa akhta'na » où Allah ne nous châtie pas si nous oublions ou si nous nous trompons. Donc l'oubli est une excuse. La personne n'a pas rattrapé ce jour de jeûne, il lui est valable et comptabilisé. Aussi, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, et celle-ci est la version de l'imam muslim, rahmatullahi alayhima, Abu Hurayrata radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui oublie, alors qu'il est en état de jeûne, il a alors mangé ou bu, qu'il poursuive son jeûne. Ça n'est qu'Allah qui l'a nourri et abreuvé. Ça n'est qu'Allah qui lui a donné à manger et à boire. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته. محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى nous dit, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de poursuivre le jeûne est la preuve de son authenticité et la preuve qu'il est valable. Wa nisbatu it'ami an-nasi wa saqihi ila Allah dalil 'ala 'adam mu'akhadhati 'alayhi 'ala 'adam al-mu'akhadhati 'alayhi. Ajoutons à cela que le fait d'annexer la nourriture de celui qui a oublié et la boisson ainsi que sa boisson à Allah est la preuve qu'il ne sera pas châtié pour cela, qu'on ne lui tient pas rigueur. C'est-à-dire dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ça n'est qu'Allah qui lui a donné à manger et à boire. Le fait d'avoir annexé cette nourriture et cette boisson à Allah, ce contexte-là nous montre qu'on ne lui tient pas rigueur, il ne sera pas puni pour cela. لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ولفظ ما في فمه إن كان في شيء لزوال عذري حينئذ. Puis une remarque très pertinente et importante du Cheikh, Rahimahullah Ta'ala. Mais, dans le cas où il se souvient, c'est-à-dire de son état de jeûne, où on lui fait le rappel, donc soit il se souvient de par lui-même, Allah l'a guidé à cela, ou Allah a guidé une personne qui lui fait le rappel. Oh, un tel, tu ne jeûnes-tu pas? Et il se souvient, il est en train de boire. Ah, j'ai oublié. À ce moment-là, que devra-t-il faire? Ibn Rasim nous dit, Amsaka. Il doit s'arrêter. Wala fava ma fi fami. Et rejeter ce qu'il y a dans sa bouche. Il doit s'abstenir et rejeter ce qu'il y a dans sa bouche. S'il y a quelque chose. Pourquoi? Car son excuse a disparu. ويجب على من راى صائما ياكل او يشرب ان ينبهه لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. Ibn Athim rahimahullah ta'ala nous dit, il est obligatoire à toute personne qui verrait un jeûneur boire ou manger de l'avertir, de lui faire le rappel. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans Surat al-Ma'ida, sous la traduction des sens du verset, « Et entraidez-vous dans le bien et la piété. » Et entraidez-vous dans le bien et la piété. « Ashartu thalith » La troisième condition, أن يكون مختارا أي متناولا للمفطر باختياره وإرادته فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأن الله سبحانه رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجة والبيهقي وحسنه النووي. La troisième condition, c'est qu'il fasse cela de plein gré, qu'il fasse cela volontairement, c'est-à-dire qu'il prenne ce qui annule le jeûne de plein gré de par sa volonté. Dans le cas où il a été contraint, où on l'a forcé, son jeûne sera valable. Son jeûne sera valable et il n'aura pas à le rattraper. Car Allah, exempt soit-il de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures, a enlevé, a relevé le jugement de celui qui fait ou qui dit de la mécréance, alors qu'il en est contraint, alors qu'il a été forcé, tout en ayant le cœur apaisé par la foi, tout comme on le trouve dans Surat al-Nahl, sous la traduction des sens de ce verset, quiconque a renié, ou quiconque a mécru en Allah, après avoir eu la foi, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Ce verset nous montre que celui qu'on a forcé à dire une parole de mécréance ou à faire un acte de mécréance, s'il est contraint, qu'il fait cela en ayant la foi dans son cœur, il n'aura pas annulé sa foi, il est excusé parce qu'il a été forcé. Parce qu'il a été forcé. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit, si Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé le jugement de la mécréance pour celui qui en commet, du fait qu'il a été contraint, pour les péchés qui sont en dessous de la mécréance, à plus forte raison, ils sont excusés. Il y a également pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah a passé sur ma communauté les fautes et l'oubli, ainsi que ceux qu'on les a forcés, ainsi que les choses pour lesquelles ils ont été contraints ou forcés. Allah Azza wa Jal a passé sur ma communauté, c'est-à-dire il ne leur tient pas rigueur, il ne les punit pas pour cela, les fautes, donc involontaires, l'oubli, ainsi que ceux dans quoi ils ont été contraints. Forcé. Ce hadith rapporté par Ibn Majah al-Bayhaqi, l'imam al-Nawawi nous dit qu'il est bon. Sachez qu'il y a une divergence sur l'authenticité de ce hadith. فَلَوْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ فَلَوْ أَكْرَهَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ عَلَى الْوَطْئِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَصِيَامُهَا صَحِيحٌ وَلَا قَضَى عَلَيْهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِكْرَاهَهَا على الوطء وهي صائمة إلا إن صامت تطوعا بغير إذن وهو حاضر ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوف شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضى عليه. ابن عثيمين رحمه الله تعالى ندي. Dans le cas où un homme aurait des rapports avec son épouse, alors que elle jeûne, elle n'a pas réussi à l'empêcher. Ibn Athmi nous dit que son jeûne est valable. Ibn Athmi nous dit que son jeûne à elle est valable. Parce que c'est lui qui a poussé la chose, et elle ne le voulait pas. Donc elle lui dit, elle jeûne, elle ne veut pas. Mais il fait quand même l'acte. Elle veut préserver son jeûne, mais il fait quand même l'acte. Ibn Uthaymin nous dit, elle n'a pas rompu son jeûne. Son jeûne est valable, elle n'a pas à le rattraper. Ibn Uthaymin ajoute, il ne lui est pas permis de la contraindre à avoir le rapport. Il ne lui est pas permis de la contraindre à avoir ce rapport. Puis il fait la remarque que la femme ne doit pas jeûner un jeûne recommandé sans la permission de son époux s'il est présent. Ça, c'est une règle religieuse. La femme qui craint Allah, qui cherche les hauts degrés auprès d'Allah Azza wa Jal, rentre dans cette adoration qui est le jeûne. Elle ne jeûne pas que le mois de Ramadan. Elle ajoute certains jours, comme le jour de Ashura, comme le jour de Arafat, si elle n'est pas au pèlerinage. Elle essaye d'ajouter certains jours. Et il y a une règle pour le jeûne recommandée pour la femme. C'est que si son époux est présent, elle ne doit pas jeûner sans lui demander la permission avant de jeûner. S'il lui dit de jeûner, elle peut jeûner. Et s'il ne veut pas qu'elle jeûne car il a besoin d'elle, alors elle ne jeûne pas. Elle fait cela et sa récompense est immense auprès d'Allah Azza wa Jal. De par la place de son époux. Et le fait qu'elle cherche à le satisfaire. Donc, ce jeûne-là, oui, il peut être la cause qu'elle le coupe. Mais pas un jeûne obligatoire. Un autre exemple, si de la poussière ou du sable entre dans la gorge du jeûneur, involontairement, sans qu'il l'ait fait exprès, ou s'il se rince la bouche et que de l'eau entre dans sa gorge sans qu'il l'ait fait exprès, ou s'il se met de l'eau dans le nez et que de l'eau entre sans qu'il l'ait fait exprès, dans tous ces cas-là, vu que c'est involontairement, il n'aura pas rompu son jeûne. Il n'aura donc pas à le rattraper. Il n'aura donc pas à le rattraper. Donc je répète les trois conditions. Al-ilm, an yakuna aliman, la jahilan, an yakuna dhakiran la nasiyan, wa an yakuna bi ikhtiyarihi la mukrahan. Donc, premièrement, qu'il le fasse avec science. L'ignorant est excusé. Deuxièmement, qu'il se rappelle de son état de jeûne. Celui qui a oublié est excusé. Troisièmement, qu'il le fasse volontairement. Celui qui est contraint est excusé. Ibn Athaym, rahimahullah ta'ala, fait quelques remarques sur des choses qui ne coupent pas le jeûne. Comme le al-kuhl. Ce qu'on met dans les yeux n'annule pas le jeûne. La personne qui se soigne avec et en met aux yeux n'aura pas mada annulé son jeûne. Même si elle ressent le goût. Car cela n'entre pas dans la nourriture, ni la boisson, ni dans leur sens. Il dit qu'on a le droit de mettre des gouttes dans les oreilles. Il dit qu'on a le droit de mettre, donc de soigner des blessures et d'y appliquer des choses. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit dans حقيقة الصيام ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء. Ibn Taymiyyah nous dit que nous savons qu'il n'y a pas dans le livre d'Allah ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qui nous montrent que ces choses-là ou quelque chose qui nous montre que tout ça annule le jeûne. Donc à partir du moment où ça n'est pas dans les textes, le jugement est que ça n'annule pas le jeûne. Et le jeûne fait partie de la religion des musulmans. Ainsi, la connaissance de cela est nécessaire pour les gens de la masse, comme les gens qui ont plus de connaissances. Ainsi, si ça avait été interdit, Allah Azza wa Jalla nous l'aurait exposé dans le Coran ou le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Cela aurait été mentionné aux Sahaba, ils l'auraient transmis à la communauté. À partir du moment où nous ne l'ont pas transmis à la communauté, c'est que le Prophète ne l'a pas dit. C'est que le Prophète ne l'a pas dit. Barakallahu fikum. Beaucoup de personnes ont questionné sur As-Siwak. Pouvons-nous utiliser As-Siwak dans la journée de Ramadan? Ibn Athaym rahimahullah ta'ala nous dit wala yuftiru bis-siwak ou bit-tasawuk. La personne ne rompt pas son jeûne en se frottant les dents avec le siwak. Bal huwa sunnah lahu fi an-nahar wa akhirih. Et il nous dit au contraire, c'est une sunna d'utiliser le siwak dans la journée, et pour autre que lui, Kalmuftirin, yani pour celui qui jeûne et pour celui qui ne jeûne pas, qu'il soit dans la journée ou non. L'école du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laula an ashuqa ala ummati la martuhum bis siwak inda kulli salah. La preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si je ne craignais que ce soit trop lourd pour ma communauté, si je ne craignais d'être trop pénible pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak pour chaque prière. Ceci est général, ça englobe les jeûneurs et ceux qui ne jeûnent pas, et ça englobe l'ensemble des moments. Donc, il est bon pour le jeûneur d'utiliser le siwak. Nous arrêtons sur cela. On as'al Allah subhanahu wa ta'ala au qabla dhalik Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala li Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا يا شكور يا بر يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين